Maudite décoration de Noël gonflable, m'envoie toutes les fêter. Maudite décoration de Noël gonflable, m'envoie toutes les dessouffler. Maudite décoration de Noël gonflable, m'envoie toutes les crever. Maudite décoration de Noël gonflable, magie de pacotille, décoration Viagra, grosseuse et moche. Vision d'horreur qui tombe à plat quand le Père Noël et sa grosse poche. Maudite décoration de Noël gonflable, m'envoie toutes les péter. Maudite décoration de Noël gonflable, m'envoie toutes les dessouffler. Maudite décoration de Noël gonflable, m'envoie toutes les crever. Maudite décoration de Noël gonflable, le gros pingouin de Madame Pépin, le faux sapin de Monsieur Moquin, le casse-noisette de ma tante Annette et tous les gadgets de maman Lucette. Quelle féerie de plastique, quelle fausseté magique. Hé, hey, le petit couple chéri, vous voulez faire mourir d'envie toute la banlieue? Eh bien, procurez-vous le magnifique Père Noël gonflable en érection, muni de deux pompes latérales ainsi que de compresseurs ventrales. Le Père Noël en érection, payable en 133 versements de 29,95$ chacun. Une décoration de Noël dont vous vous souviendrez longtemps, longtemps, longtemps. Ça fait du bien.